سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Il fait certes partie des bienfaits d'Allah à notre égard le fait de nous avoir guidés à cette religion qu'est l'islam. Certes, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité plusieurs bienfaits qu'il nous a accordés, notamment dans la sourate les abeilles, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité plusieurs bienfaits qu'il nous a accordés, il nous dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha la ghafurur rahim. C'est-à-dire, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans un autre verset, pareillement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'être humain d'immenses bienfaits. Il l'a créé de la meilleure manière. Puis il lui a donné vie. Puis il lui accorde sa subsistance. Puis il le fortifie et le protège et le guide. Il guide l'être humain afin qu'il sache comment obtenir les choses dont il a besoin et comment repousser les choses qui peuvent lui nuire. Et cela, dans tous les instants de sa vie, dans tous les instants de notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala se charge de nous, s'occupe de nous. Et l'être humain ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala en aucun cas. Mais au contraire, l'être humain a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque souffle. Dans chaque souffle de vie, l'être humain a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de rester en vie et afin de rester sous la protection de son Seigneur. Et malgré cela, beaucoup parmi les êtres humains ne sont pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et très peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Et dans le verset que j'ai cité précédemment, إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Certes, l'être humain est très injuste et très ingrat. Et malgré cela, malgré que l'être humain est de manière générale, est injuste et ingrat envers son Seigneur pour les bienfaits qu'il lui accorde. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et pardonneur et miséricordieux. Il passe Il ne tient pas rigueur à l'être humain pour ses manquements dans la reconnaissance des bienfaits et ne lui coupe pas les bienfaits directement et ne s'empresse pas de le châtier et de le punir, mais il accorde aux êtres humains un temps pour qu'ils se repentent de leurs péchés. Afin qu'il pardonne à qui il veut parmi eux. Il est donc une obligation sur nous tous de nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos manquements envers lui. Et également, il est un devoir pour nous tous, il est un devoir pour nous tous de remercier Allah subhanahu wa ta'ala selon nos capacités pour les bienfaits qu'il nous accorde. Et le plus grand des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, c'est l'envoi de ce messager. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à tous les hommes et tous les djinns afin de les guider. Allah subhanahu wa ta'ala dit: لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est-à-dire, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Et également, dans Sourate al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et dans ces deux versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Yatlu alayhim ayatihi, il leur récite ces versets, c'est-à-dire le Coran, il leur récite le Coran. Wa yuzakkihim, il les purifie, c'est-à-dire qu'il leur ordonne le bien et leur interdit le mal, afin que leurs âmes soient purifiées. Il leur enseigne le livre et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Il leur enseigne la compréhension du Coran et de la Sunna. Bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Ils étaient dans l'égarement et dans l'ignorance, ne connaissant pas le chemin qui mène à leur Seigneur et ne connaissant pas les choses qui purifient leurs âmes. Ils étaient dans un égarement évident. Mais après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé ce messager et que ce messager leur a enseigné le Coran et la Sunna. Et ce messager les a purifiés. Après que tout cela eut lieu, ils sont devenus les créatures les plus savantes et les plus pieuses et les plus pures. Ils étaient carrément des guides et des chefs dans la science, dans la religion et dans le comportement. Ils ont été guidés en eux-mêmes et ils ont guidé les autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par l'envoi de ce messager, il a accompli sur eux le plus grand des bienfaits. Et si nous voulons être comme eux, alors il nous incombe d'apprendre de la source à laquelle ils ont puisé leur science. Et cette source, c'est le Coran et la Sunna. Et nous devons également les appliquer, tout comme ils l'ont appliqué. Et ainsi, nous devons suivre leurs traces, dans les petites choses comme dans les grandes choses, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les adorations, que ce soit dans le comportement et dans tous les actes. Toutes ces choses, ils les ont prises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous dit dans le hadith authentique, أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah, il dit: je suis l'invocation de Ibrahim et la bonne annonce de Isa alayhi salam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit que je suis l'invocation de mon père Ibrahim, ana da'watu abi Ibrahim, je suis l'invocation de mon père Ibrahim, le prophète, lorsqu'il nous dit cela, il fait allusion à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans sourate al-Baqarah. Lorsque Ibrahim alayhi salam, avec son fils Ismaïl alayhi salam, lorsqu'ils ont, après avoir construit la Kaaba, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait plusieurs invocations, et parmi lesquelles ils ont dit: Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إنك أنت العزيز الحكيم. Ils ont dit, Ibrahim عليه السلام et son fils Ismaïl, ô notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse. Raconte. Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl, après avoir construit la Kaaba, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant: ô notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi certes le puissant, le sage. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit: je suis l'invocation de mon père Ibrahim. Et également Lorsque dans le hadith il dit et la bonne annonce de Isa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans la sourate As-Saff, lorsque Isa alayhi salam a dit aux enfants d'Israël, Inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah à vous, confirmateur de ceux qui est antérieur à moi dans la Torah et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce messager qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en exauçant l'invocation d'Ibrahim alayhi salam et pour concrétiser la bonne annonce de Isa alayhi salam. Et ce prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que miséricorde pour tout l'univers. Il a été envoyé en tant que miséricorde pour tout l'univers, et plus particulièrement pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour tout l'univers. فالمؤمنون قبلوا هذه الرحمة. Les croyants, ils ont accepté cette miséricorde qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été reconnaissants envers Allah pour cette miséricorde, alors que les autres, yani ceux qui n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont rejeté cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont échangé le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala par la mécréance. Et de là, ils ont refusé la miséricorde d'Allah et son bienfait. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de surat At-Tawba, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. C'est-à-dire, il vous est certes venu un messager pris parmi vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc il a bien spécifié les croyants, parce que ce sont les croyants qui ont accepté cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il ait été envoyé en tant que miséricorde pour tout l'univers. Et donc dans ce verset de la fin de sourate At-Tawba, le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plein de miséricorde était plein de miséricorde envers les croyants. Et il ne voulait en aucun cas leur imposer des choses qui soient lourdes pour sa communauté. Il dit « Harisun alaykum » plein de sollicitude envers vous, ou bien pour vous. Il s'efforçait à tout faire pour que vous soyez guidés. Et il s'efforçait de vous apporter tout ce qui peut vous être bénéfique dans les choses de ce bas monde et dans les choses de l'au-delà. Bil mu'minina raufur rahim. Et il était certes compatissant et miséricordieux envers les croyants. Il était plus miséricordieux pour nous que nos pères. Il était plus miséricordieux pour nous que nos mères. Et carrément, il était plus miséricordieux pour nous que nous-mêmes, envers nous-mêmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les caractéristiques et les qualités de ce prophète, de ce messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été cité par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset de la sourate Al-A'raf, vers la fin de sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. C'est-à-dire ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur interdit le blâmable, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Et il leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux, ceux qui croiront en lui. Ceux qui croiront en lui, l'honoreront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Ceux-là seront les gagnants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Et ceci, le fait d'être illettré, est un défaut chez l'être humain de manière générale. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une qualité, car cela prouve que ce n'est pas lui qui est venu avec ce Coran, mais que ce n'est qu'une révélation qui lui a été inspirée. Comment un illettré aurait pu venir avec un livre aussi immense que le Coran, que ce soit au niveau de l'éloquence du Coran, que ce soit au niveau de tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran, parmi les histoires des prophètes précédents, et parmi les histoires de l'histoire de la création, et parmi les choses qui vont arriver dans l'avenir, et les choses de l'au-delà, ou que ce soit au niveau des adorations multiples, ou bien que ce soit au niveau des règles en ce qui concerne les transactions financières, ou bien les règles concernant les relations familiales, ou bien les règles concernant le jugement, ou bien que ce soit au niveau des comportements, des nobles comportements auxquels ce Coran a appelé. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il était illettré, on sait clairement qu'il n'a pas pu le lire et le prendre des livres qui l'ont précédé, des gens du livre, les juifs et les chrétiens. Et également Allah subhanahu wa ta'ala, il qualifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il trouve écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Car certes, la bonne annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam par son nom est présente dans la Torah et dans l'Évangile, même si les juifs et les chrétiens essayent de le cacher et de le falsifier. Puis il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ordonne le convenable. Et le convenable, ça comporte, ça englobe tout ce qui est connu comme bonne chose. Et la plus grande des choses que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné comme chose convenable, c'est le tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'unifier Allah, d'adorer un Dieu unique. Puis également, as-sunnah, de suivre sa sunnah. Car la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des guidées. Puis, tous les autres actes d'obéissance et d'adoration. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Et il leur interdit le blâmable. Le blâmable qui englobe tout ce qui est connu pour être mauvais. Et la plus grande des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande des choses blâmables que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit est le shirk, le polythéisme. D'attribuer un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Puis après cela, les innovations. Puis après cela, tous les péchés et actes mauvais. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ Et il leur rend licite les bonnes choses. Que ce soit les bonnes choses dans la nourriture, dans la boisson, dans les vêtements. Que ce soit au niveau des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rendues licites, comme les rapports conjugaux et toutes les bonnes choses parmi les paroles et les actes convenables, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rendues licites. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Et il leur a interdit les mauvaises choses. Les mauvaises choses parmi les nourritures, parmi les boissons, parmi les vêtements, parmi les rapports et parmi les paroles et les actes. Donc tout ce que ce prophète a ordonné ou a rendu licite, c'est une bonne chose et c'est une chose convenable. Et tout ce que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit est une chose mauvaise. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Et il leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Il les délivre. Ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a délivré l'humanité des difficultés qui leur étaient imposées. La religion de l'islam avec laquelle il est venu ne contient pas de difficultés. C'est la religion de la facilité et de la tolérance. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bu'ithtu bil hanifiyyati samha, j'ai été envoyé avec la hanafi, avec la hanifiyya tolérante, yani avec la religion tolérante, rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Albani rahimahullah. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Certes Allah ne tient pas rigueur à ma communauté pour ses pensées tant qu'il ne parle pas ou qu'il n'agisse pas. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Certes Allah a pardonné à ma communauté ses erreurs, ses oublis et les choses sur lesquelles et les choses auxquelles on les a contraints. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah. Et également dans un autre hadith, rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes Allah a inscrit, certes Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit les bonnes actions et les mauvaises. Puis il a expliqué cela: quiconque a l'intention de faire une bonne action, puis ne la fait pas, Allah l'écrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. Et celui qui a l'intention, et s'il a l'intention de faire une bonne action, puis qu'il l'a fait, il l'accomplit, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'écrit auprès de lui comme comptant pour 10 bonnes actions, jusqu'à la multiplier par 700, ou même plus encore. Et s'il a l'intention de faire une mauvaise action, mais ne la fait pas, Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. Et s'il a l'intention de faire une mauvaise action, puis il l'accomplit, il l'a fait, alors Allah subhanahu wa ta'ala de l'inscrira comme ne comptant comme que pour une seule mauvaise action. Donc vous voyez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette religion. Si tu as l'intention de faire une bonne action et que tu l'as fait, elle t'est comptée comme étant comme pour 10 bonnes actions et elle peut être multipliée par 700 ou plus. Et si tu as l'intention de faire une bonne action mais que tu ne la fais pas, alors Allah subhanahu wa ta'ala te la compte quand même comme une bonne action, comme si tu l'avais accomplie. Et si tu as l'intention de commettre un péché, puis que tu le délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te le compte comme une bonne action. Et si tu as l'intention de faire un péché, puis que tu le commets, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'inscrit que, ne comptant que pour un seul péché. Donc la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde sont immenses. À nous d'en profiter. Tout cela nous montre donc la miséricorde et la tolérance de cette religion. Et c'est cela qui est dans cette partie du verset lorsqu'il dit: et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de cette verset, il nous dit: Alladhina amanu bihi, ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète illettré. Wa'azzaruhu. Puis qu'ils l'auront honoré. Wa'nasaruhu. Et qu'ils lui auront porté secours. Car certes, le fait de porter secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le défendre lorsque quelqu'un veut s'en prendre à lui ou veut le critiquer, le fait de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui porter secours est une obligation. Et le fait de défendre sa sunna et de porter secours à sa sunna lorsque quelqu'un veut la critiquer ou lorsque quelqu'un veut y ajouter ce qui n'en fait pas partie, tout cela est une obligation. Il est une obligation de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est une obligation de défendre sa sunna lorsque des mécréants veulent la critiquer ou lorsque des innovateurs veulent y ajouter ce qui n'en fait pas partie. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ. Et qui auront suivi la lumière descendue sur lui. Et cette lumière qui a été descendue sur lui, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Et c'est cela, c'est dans cela qu'il y a la plus grande défense et le plus grand secours qui est porté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans le fait de suivre le Coran, dans le fait de suivre le livre qui lui a été révélé, et dans le fait de suivre la sunna qui lui a été révélée. C'est la meilleure manière de défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre ses détracteurs. C'est en suivant le Coran et en suivant la sunna. Car certes, les mécréants et les ennemis de l'islam et de la sunna, s'ils voient que les musulmans s'accrochent à leur religion, au niveau de la croyance, au niveau de l'adoration, au niveau du comportement, et que les musulmans s'accrochent et s'attachent fermement au Coran et à la Sunna, si les mécréants et les ennemis de l'islam et de la Sunna voient cela des musulmans, alors cela va les porter à faux et va les énerver. Et peut-être certains même parmi eux, ou beaucoup parmi eux, peut-être vont être guidés à l'islam lorsqu'ils verront la bonne réaction des musulmans durant tous les événements qui touchent cette communauté. Quant au fait de faire des manifestations ou de faire des attentats terroristes, toutes ces choses ne portent aucun bénéfice. Toutes ces choses n'apportent aucun bénéfice. Elles ne font pas partie du secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ne font pas partie de la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au contraire, elles contredisent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la religion avec laquelle il est venu. À moins qu'il y ait un djihad authentique annoncé par les gouverneurs musulmans. Donc à ce moment-là, oui, en effet, la force armée est utilisée sous le drapeau ou sous l'étendard du gouverneur musulman qui a été instauré de manière légiférée et non pas sous l'étendard des groupes terroristes et des groupes égarés comme Al-Qaïda ou comme Daesh, ceux qui ont appelé là au califat islamique en Irak et au Cham, et ni non plus sous l'étendard des Ikhwan, sous l'étendard de la secte des Ikhwan Muslimin, ou des Khouan al-Muslimin, ceux qui ont trahi les musulmans, et ni sous l'étendard de Hizb ush-Shaytan, le parti du Shaytan, qui se font appeler injustement Hizbullah. Le Hezbollah n'a rien à voir avec l'islam. Et ils ne sont pas Hezbollah, ils ne sont pas le parti d'Allah, mais ils sont le parti du Shaytan. Car ce sont des chiites rafidites. Wahaoula kuffar. Ces gens-là sont des mécréants. Ils disent que Jibril alayhi salam a trahi le message. Et ils disent que le Coran que nous avons n'est pas le Coran original. Et ils insultent, et ils déclarent apostat la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à leur tête, Abu Bakr wa Omar wa Uthman. Donc tous ces groupes égarés, et tous les autres groupes égarés, ce ne sont pas des gens sous lesquels nous devons... Ce ne sont pas des gens dont nous, avec qui nous devons nous rallier et sous l'étendard de qui nous devons combattre. Mais le combat et le djihad n'est fait que sous l'étendard du gouverneur musulman instauré conformément à la législation islamique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit que ceux qui croiront en lui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'honoreront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Oulaika humul muflihun. Ceux-là seront les gagnants sur terre et dans l'au-delà. Et au début de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son nom était inscrit dans la Torah et dans l'Évangile. Et ceci a été rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Également, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son recueil authentique, As-Sahih, An Ata ibn Yasar, selon Ata ibn Yasar, قال, Laqitu Abdallah ibn Amr ibn al-As, ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, قلت, أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال, أجل, والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. Donc dans ce hadith, selon Atta ibn Yassar, qui rapporte, il dit, j'ai rencontré Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, qui était un compagnon, fils de compagnon. Et je lui ai dit, informe-moi des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Il m'a répondu, c'est-à-dire Abdallah ibn Amr ibn As, il a répondu à Atta, pas de problème. Par Allah, il est qualifié dans la Torah par certaines de ses caractéristiques qui sont citées dans le Coran. Ô toi prophète, Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur et avertisseur et refuge pour les illettrés. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai appelé El-Mutawakkil, celui qui place sa confiance en Allah. Celui qui place sa confiance sur Allah. Laysa bifadhlin wala ghalidhin. C'est-à-dire, il n'est ni rude, ni dur. Et il ne crie pas dans les marchés. Il ne rend pas le mal par le mal. Mais il excuse et il pardonne. Et Allah ne prendra pas son âme jusqu'à ce qu'il établisse par lui. Jusqu'à ce qu'il rétablisse par lui la religion déviée. De sorte que les gens diront: La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré à part Allah. Et par cette parole, il ouvrira des yeux aveugles et des oreilles sourdes. Et des cœurs enveloppés. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, nous cite comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié dans la Torah. Il dit, ô toi prophète, il est par Allah, il est certes qualifié dans la Torah par certaines de ses caractéristiques dans le Coran. Ô toi prophète, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur et avertisseur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la fin de sourate Al-Ahzab, les coalisés, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'adhum tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets nous dit, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, et comme une lampe éclairante, et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce, et n'obéis pas aux infidèles, ni aux mécréants, n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté. Et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Donc vous voyez dans ces versets, comme dans le hadith, il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme témoin, et qu'il a été envoyé comme annonciateur, et qu'il a été envoyé comme avertisseur. Et également dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: place ta confiance en Allah. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui plaçait le plus sa confiance en Allah. Et également, dans le hadith, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il nous cite, il nous dit: Wa hirzan lil ummiyin. Et en tant que refuge pour les illettrés, c'est-à-dire en tant que protecteur et forteresse pour les illettrés, Et les premiers à rentrer dans cela, ce sont les Arabes, les lettrés. Ils n'avaient pas reçu de livre avant le Coran. Puis dans la suite du hadith, je t'ai appelé Al-Mutawakkil, celui qui place sa confiance en Allah, comme vous avez entendu dans le verset précédent. Laysa bifadlin wala ghalidin. Il n'est ni rude ni dur, comme cela est venu dans le verset de la sourate Ali Imran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Fabima rahmatin min Allahi linta lahum, walau kunta fazzan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah, et consulte-les à propos de tes affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Allah aime en vérité ceux qui placent leur confiance en lui. Donc vous voyez également dans ce verset, comme dans le hadith, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie le prophète de doux, et qu'il n'est pas rude et qu'il n'est pas dur. Puis également, il le qualifie, hein, ou il lui ordonne de pardonner. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de quoi? De placer sa confiance en lui. Car certes, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Puis dans le hadith, wala sakhabin fil aswaq, il ne crie pas dans les marchés. Il n'élève pas la voix dans les marchés, lors des discussions et des débats. Tout cela fait partie du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne rend pas le mal par le mal, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné dans le verset que je viens de citer de la sourate Ali Imran, et comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné également dans Sourate Al-Mu'minun, lorsqu'il dit: Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah, repousse de la meilleure manière le mal. Et dans la sourate Fussilat également, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ou Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. C'est-à-dire, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné au possesseur d'une grâce infinie. Et c'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, il pardonnait et il excusait ses ennemis. Et comme dans ce hadith, lorsqu'il dit, mais au contraire, il excuse et il pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala également dit dans sourate Al-Ma'ida: Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ô gens du livre, Notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien des choses, et excusant bien des choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il guide ceux qui font des efforts pour obtenir sa satisfaction. Il guide ceux qui font des efforts pour obtenir sa satisfaction. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Il les fait sortir des ténèbres de la mécréance, de l'innovation et du péché et de l'ignorance pour les amener vers la lumière de la foi, de la sunna, de l'obéissance et de la science. Et certes, il les guide par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par le Coran. Le Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers le droit chemin. Puis à la fin de ce hadith, Abdullah ibn Amr radiallahu anhu nous dit: وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَى. Et Allah ne prendra pas son âme au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il rétablisse la religion déviée. Le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, dans Fath al-Bari, dans son explication sur Sahih al-Bukhari, il dit: al-millat al-awja, la religion déviée, c'est-à-dire la religion des Arabes de l'époque. Puis il dit qu'il l'a qualifiée d'être déviante à cause de l'adoration des idoles et des statues qui est rentrée dans la religion des Arabes, car ils étaient à la base sur la religion d'Ibrahim alayhi salam et de Ismaïl alayhi salam. Puis à cause d'un parmi eux qui s'appelait Amr ibn Luhay al-Khuzai, c'est lui qui a instauré dans la religion des Arabes l'adoration des statues et des idoles. Et de là, elle a dévié de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith, il nous est expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra pas l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il rétablisse par lui la religion déviée, en la faisant revenir sur la religion d'Ibrahim alayhi salam, en faisant revenir la religion des Arabes sur la religion d'Ibrahim alayhi salam, en les faisant sortir de la mécréance et du polythéisme vers la foi et le monothéisme. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme tous les prophètes qui l'ont précédé, il est venu afin de combattre le polythéisme et l'annuler, et afin de confirmer et d'instaurer le pur monothéisme. De sorte que les gens diront « La ilaha illallah ». Et par cette parole, il ouvrira les yeux qui sont fermés, qui sont aveugles, qui sont aveuglés, et les oreilles sourdes, et les cœurs enveloppés. Donc ceci est la description de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, telle qu'elle est venue dans la Torah, qui a été révélé à Moussa alayhi salam, à Moïse, le prophète des Juifs. Telle est la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Et vous avez vu que ceci, toute cette description, on la retrouve dans le Coran. Et on le retrouve On la retrouve dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, ce prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour guider l'humanité. Il a été envoyé à tous les hommes et les djinns pour qu'ils soient bien guidés et qu'ils finissent par entrer au paradis, la demeure du salut, afin qu'ils obtiennent le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé, les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Ils combattent sa religion et ils le combattent et ils le critiquent et ils critiquent sa religion par tous les moyens. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la guidée et avec la religion de vérité. Et comme ceci est venu dans l'explication des ulama et notamment dans Tafsir al-Sa'di rahimahullah, la guidée, el-huda, wal-ilm al-nafi', la guidée, c'est la science bénéfique. Wa dinu al-haq, wal-amal al-salih. Et la religion de vérité, ce sont les actes ou les œuvres vertueuses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec cela, avec la guidée et la religion de vérité, c'est-à-dire avec la science bénéfique et avec les œuvres vertueuses, jusqu'à ce qu'il place sa religion au-dessus de toutes les autres religions erronées et déformées. Peu importe la multitude de ceux qui combattent sa religion. Donc la religion d'Allah, ainsi que son livre, et ainsi que la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vaincra. Quoi qu'il arrive, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vaincra. Même si ceux qui la secourent sont peu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans le hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, La tazal ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirin la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati'a amrullah wa hum ala dhalik. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant sur la vérité Il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant et étant sur la vérité. Ceux qui les contredisent ou qui les trahissent ne pourront leur nuire en quoi que ce soit jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah et ils seront toujours là-dessus. Donc fais partie, ô serviteurs d'Allah, ô serviteuses d'Allah, faites partie de ce groupe sauvé et de ce groupe victorieux en vous accrochant au Coran et à la Sunna et à la voie des pieux prédécesseurs, as-salafus salih. Car certes, ce groupe sauvé et ce groupe victorieux, personne ne pourra lui nuire, ni l'ennemi extérieur, qui est al-mukhalif, celui qui les contredit, et ni l'ennemi intérieur, celui qui s'infiltre parmi eux, celui qui s'infiltre parmi eux afin de les détourner de l'intérieur. Même celui-là, l'ennemi de l'intérieur, ne pourra leur nuire. Et celui-là, l'ennemi de l'intérieur, c'est le muhaddil, celui qui les trahit. Donc fait partie de ce groupe sauvé, car c'est lui le groupe victorieux. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الطائفة الناجية المنصورة التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فإن أولئك هم المفلحون هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين